Notre image est bien trop malmenée par le reflet que nous en donne notre société. Les magazines, la mode, le regard des autres nous posent sous jugement systématiquement. Et il n'est de juge plus impitoyable que nous-mêmes. Et si nous nous réconcilions avec notre image ? Notre corps a besoin de se sentir aimé et respecté. Accordons-lui ce droit fondamental pour l'accompagner et pour qu'il nous accompagne. Installez-vous dans une posture digne et confortable. Fermez délicatement les yeux et prenez une grande inspiration. Bloquez votre souffle et prolongez votre expiration jusqu'au bout de l'expire. Laissez désormais votre souffle reprendre son rythme naturel. Écoutez le va-et-vient de votre respiration. Rien n'a plus d'importance que cette inspiration. Puis celle-ci. Puis celle-ci. Soyez présent dans votre corps physique. Sentez le contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes installé. Et soyez attentif au chaud. Au froid. Au picotement. L'impression d'être serré, peut-être à l'étroit. Et à toutes ces sensations qui viennent à votre conscience. Si vous ressentez le besoin de bouger, réalisez vos mouvements en pleine conscience et décomposez-les. Effectuez vos gestes au ralenti et profitez de l'augmentation de vos sensations physiques. Soyez présent dans vos jambes et dans vos bras. Sentez vos muscles et la vie qui y circule. Remontez le long de votre colonne vertébrale et ressentez l'axe de votre être. Allongez votre nuque. Caressez l'arrière de votre crâne avec votre attention et englobez toute votre tête et votre visage pour redescendre sur votre gorge, puis sur votre poitrine, jusqu'à votre plexus. Pénétrez alors au cœur de votre corps. Prenez un instant pour visualiser l'image que vous avez de vous. Respirez avec cette image et laissez-la devenir la plus nette possible. Cette image correspond-elle à la réalité? Aimez-vous ce que vous voyez? Il est à parier que vous êtes déjà submergé par des critiques et des jugements de valeur à votre égard. Il est fort probable que vous vous focalisiez sur les zones de votre corps qui vous déplaisent ou même que vous n'arriviez pas à vous visualiser. Il est important que vous sachiez que l'image que vous avez de vous est différente de la réalité, tout simplement parce que votre réalité est subjective. La vérité, c'est que votre image est totalement dépendante de ce que vous désirez qu'elle soit. Et si vous décidiez maintenant de changer votre réalité? Et si vous décidiez maintenant de vous aimer tel que vous êtes? Et si vous accueilliez votre corps dans sa parfaite imperfection? Thank you. C'est en acceptant votre corps que vous l'aimerez. C'est en l'aimant que vous pourrez en prendre soin. Et c'est en prenant soin que vous ne ferez plus qu'un et que vous serez parfaitement présent dans votre cœur et dans votre corps. Sentez une énergie bienveillante s'éveiller dans votre cœur. Laissez ces vibrations pénétrer chacune de vos cellules. Telle une lumière dorée, elle se diffuse sur toutes les parties blessées de votre corps et l'éclaire de l'intérieur. Elle guérit, elle soulage, elle aime. Laissez-vous porter par cet amour inconditionnel et réparateur qui vous permet de vous réconcilier avec vous-même. Incarnez ce corps de plus en plus vivant et de plus en plus aimant. Laissez-vous bercer par cette chaleur et par le va-et-vient de votre respiration. Lorsque vous serez prêt, reprenez doucement contact avec vos sensations physiques. L'air plus frais qui entre dans vos narines, l'air plus tiède qui en ressort. Le mouvement de votre cage thoracique. Le gonflement de votre ventre. Conscience, levez les bras vers le ciel et étirez-vous lentement. Bougez vos pieds, puis vos jambes, délicatement. Lorsque la cloche retentira, prenez une grande respiration avant de reprendre vos activités et n'oubliez pas de vous remercier pour ce précieux moment que vous vous êtes accordé. À bientôt.